Jeg skal være nødt til at sige hen af Bredonek. Se lør, du vil tro vi hen af Bredonek. C'est le moment d'Entar Brezonek, l'apprentissage de la langue bretonne avec Henri Le Naou, Kentel, Père en No, à Triugen, Henri, 469, c'est ça? 469, oui. Et aujourd'hui, on va, le mot est un peu plus long que, souvent je mets des mots courts. Là, c'est un peu plus long, c'est Turzunel. Oh, c'est mignon. Turzunel. Donc, c'est le nom d'un oiseau, hein, c'est la tourterelle. Donc un oiseau proche du pigeon, mais plus petit. Qui peut être turc ou des bois. Voilà. Alors il y a effectivement celle dont on parle souvent en Bretagne, c'est la tourterelle des bois, donc dont le nom scientifique est Streptothelia turtur ou tourtur, ça dépend si on prononce le latin à l'ancienne ou à la française. Et donc, qui est un petit oiseau proche des pigeons, hein, effectivement, et qui est originaire du pays ici, et qui est un oiseau très discret. Hein. Bah, on en voit beaucoup moins que les tourterelles turques, mais elle est plus jolie. Oui. Alors, il y a une autre espèce qui est depuis quelques décennies en Bretagne, qui est la tourterelle turque, qui a un collier marron là, sur un plumage plus clair. C'est celle qui dit « tout croule, tout croule, tout croule ». C'est ça qu'elle dit ? Ah. Oui, parce que j'avais une tante qui lui répondait « mais non, tout ne croule pas ». Voilà, la tourterelle turque. Mais celle dont on va parler, c'est plutôt la tourterelle du pays ici. Donc le nom vient du latin populaire « tourturella », donc qui a donné le français « tourterelle » et qui a donné aussi le nom breton. Turzunel, alors c'est un mot féminin, donc avec l'article, ça donne un durzunel. Hein. Voilà, alors une petite tourterelle, c'est un tourtereau en français, c'est le symbole de l'amour. Hein. Les tourtereaux. Les tourtereaux. On coule ensemble. On coule, voilà. Et turzunelig en breton, un durzunelig, hein. C'est un mot féminin également. Alors, donc j'ai dit le mot breton vient également du latin. Alors le mot Durzunel était surtout connu par la chanson Durzunel, qui a été écrite, oui, Durzunel, hein, qui a été écrite par Paul Tréhouré, qui est le nom de plume d'un prêtre qui s'appelait Augustin Conque, donc qui est né en 1874 et mort en 1952. Alors ce Paul Tréhouré, là, il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit « Guir vrai ton œuf », hein, la chanson bien connue. Hein, « Guir vrai ton œuf, tu de galon noir zao, d'ag en angloire, d'abreil son bro. » Donc, et il a traduit les fables de La Fontaine, beaucoup de fables de La Fontaine en breton aussi. Et souvent avec beaucoup d'humour, il y a pas mal de trouvailles, hein, et un très bon breton. Et donc il est mort en 1952, sa voix a été enregistrée parce qu'il a fait des émissions sur Radio Quimerge. Ah oui. Avant dans les années 50, enfin de 47 à 1950. Voilà. Alors cette par exemple, il a traduit il y en a plusieurs que j'aime bien, c'est Maharit Gughir, le héron, hein, le héron long bec en manche d'un long cou, voilà. Halagarvout, hein, le lièvre et la tortue. Qu'est-ce que je dirais encore? Par exemple, Lou Arnageblay. Ah, hein. Lou et le renard. Ouais. Lou Arnagebor aussi. Celle-là est assez amusante aussi. Le renard et le bouc, hein, qui se trouvent dans un puits. Et puis, pour sortir, le renard propose au bouc de monter sur son dos, puis ses cornes, et puis qu'ensuite il l'aidera à sortir lui-même, ce qu'il ne fait pas, évidemment. Le traître Alain Nigelouarn. Alors, donc cette chanson, Un Durzunel, hein, une mélodie bien connue, hein. Kalzamzer me scolet au fur qu'à leur roi joue. Vizoupen un Durzunel, couske loireur brancou. Dans tous les mariages, il y avait quelqu'un qui chantait ça. À l'époque où on chantait encore dans les mariages. Maintenant, c'est les animateurs. Donc j'ai perdu du temps dans les bois. Oui, j'ai pas pour surprendre la tourterelle, c'est un chasseur quoi. Un squaz, je me fusil, mes ténèbres de Meusval, j'ai épaulé mon fusil, mais j'ai mal tiré, et la tourterelle s'est enfuie. Et puis après, alors, il parle de l'amour entre les deux tourtereaux, en fait, hein, puisque c'est un animal qui est considéré comme un symbole de l'amour parce qu'il vit en couple durable. Mmh. Voilà. Et alors, cette chanson-là a été adaptée, elle est chantée en gavotte aussi, hein. Je l'ai entendu chanter en gavotte la première fois à Plourard. Calzamp de remes colled au fur qu'à leur joue. Visou pen un durzunel. La la la la la la. La la la la la la. Cousque loire et brancou. Et on la chante aussi en Pillerland. C'est quoi Pillerland? Le Pillerland, c'est une danse du Léon. Hein, qui était donc, les paroles d'origine, c'est Pillerland douce et tralala. Pillerland blanc de blanc blanc. Comme à 13 en bénébla, même que tout très en man. Et on peut chanter aussi la durzune là-dessus, quoi. Calzamzer me scolle, au fur qu'à la roi joue. Visoupen un durzunel, un durzunel, un durzunel. Visoupen un durzunel, cousque loire brancou. Là, il faut rajouter 3 pieds au troisième vers. Pour retomber sur la mélodie, ouais. Donc voilà un petit tour sur la tourterelle. On passe à la seconde partie. Raison d'être, temps m'attend. Et Braison Lectant Matam, c'est le moment soit du dialogue dans Braison Lectant Matam, soit d'une petite explication. Oui. Et il me semble qu'aujourd'hui, on va faire plutôt de la découverte. Oui, j'avais envie de parler du Blavet, pour plusieurs raisons, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment avec la sec du barrage de Guerre-les-Dents. Et puis, on parle du canal de Nantes à Brest, qui est alimenté en partie par le Blavet. Enfin, en partie seulement, puisqu'il y a deux canaux, hein. Il y a Glomel-Nantes et Glomel-Brest, hein, qui se rejoignent, qui partent du même point culminant à Glomel, mais donc, qui est alimenté par l'eau de l'Aulne, par exemple, et l'eau du Blavet. Donc, le Blavet, c'est un fleuve côtier, donc, qui est issu du château d'eau de la Bretagne, qui est le Kreisbreis, hein, comme d'autres, hein, comme le Lierre, par exemple, le Scorff qui prend sa source à Mélionnec, le Léguet, oui, et le Trieux aussi, hein, ils sont tous dans un mouchoir de poche, là, hein, donc le Kreisbreis, en fait, est très important pour l'eau en Bretagne, hein. Voilà, c'est ici le château d'eau, hein. On a quand même de la richesse ici, hein. Voilà. Alors le Blavet, c'est un fleuve côtier, c'est pas une rivière. Hein. Alors c'est quoi la différence? Ben le fleuve se jette dans la mer, et tandis qu'une rivière se jette dans une autre rivière ou dans un fleuve. Donc il fait 147 km de longueur, et donc il a un très beau bassin versant. Hein. Ici nous sommes dans le bassin versant du Haut Blavet. Il part de l'étang de Saint-Organ, enfin il part un petit peu avant l'étang de Saint-Organ pour la première réserve d'eau à partir du Blavet, c'est l'étang de Saint-Organ, qui est un ancien étang de moulin qui se situe maintenant dans la commune de Kerrien, puisque Saint-Organ fait partie de Kerrien. D'ailleurs, Frédéric Bonhomme, c'était un poète bistrotier. Mais oui, de Kergris-Moëlou, hein. Donc, qui a écrit beaucoup de poèmes et rassemblé dans un ouvrage qui s'appelle La Voix de l'Argoite. Et le mot Argoite, d'ailleurs, à Kergris, a une signification particulière. On reviendra là-dessus un jour. Et il l'appelle le fils de Saint-Organ. Le Blavet, le fils de Saint-Organ. Alors, petit à petit, le Blavet. On appelle l'étang du Blavet, d'ailleurs. Oui, l'étang du Blavet, oui. On dit pas l'étang de Saint-Organ, beaucoup disent l'étang du Blavet. Ah oui, on dit l'étang du Blavet, oui. C'est pas passé quelque chose, là-bas? Stangerblav, oh, il y a eu beaucoup de choses, hein, oui, oui. Il y a eu l'histoire, hein. Oui, il y a beaucoup de choses dans l'étang du Blavet. En particulier, il y a eu le recteur de Saint-Organ qui s'était noyé, donc, et qui était tombé dans le Blavet avec son vélo, et on l'a retrouvé debout sur son vélo. Noyé. Et puis pendant la guerre aussi, il y a eu une personne qui a eu la vie sauve grâce en fuyant à la nage dans l'étang. Voilà.

un beau diaporama, justement, en suivant toute la vallée du Blavet. C'est parce que c'est devenu... Alors, il avait montré, justement, cette voie de communication qui est quand même quelque chose d'assez mythique. Hein. Goaz-Zandveltas. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. On passe à Petra Zonnevervo. Troisième partie de Henta Brezhoneg. Petra Zonnevervo, Heri. Ben, Kalsedrao et Veljus Boervejdiouzan. Krogum de Dianton Velkis a custum gandela bourdouar a gervu et war armez. Et donc vraiment, bah, crise de nom, pélar in mot. Ag, broawar et bede nom, zon beta vraiment. N'e que bérezir, dur calzelerio brovrans, man zéro, en me straso bedo bandour. A dis, bon zéso mat viden trevadou. Prestig mames vo der anedo. Hag te yo adare, mare el nest. Hag gwellom eus deja, vid ne yo a krog en trao. Hag bon, spi meus vo trefad ou vant, ba vro. War dro el ar bourdouar zo bepred kudenou, pu dur ze zo ko zo manifest adegou, gant zaverien zout hag zaverien mor, pu dur chomor aiz e leur priz hag neus ke moyen gant priz ve paid en trou de be en hargo hag sur war vos ter de jeu ben bandé ou de son quel de vous quand ce trou ve mon en temps moi war nendro vraiment quand reuse zo marément quand a fer glaskerian dans vezou par une douar quel peut comme je me déjà de ce strola de douar didoul hag jusman meus ratkavet penad ou skrivet oa be skrivet babla oneg a trugen war gazet en telegram war en dud o klas dan vez ou dis ban doua hag ne ke tan bema meus mo de pez vigelar et de houls vel pez velar et bremañ pu dur bon de houls vige en em klas kou vige gret gant ur BRGM hag bon un dud jonge a mamez ba gazeten oaze ur spi vidio ren ur bro hag bon lar en reign bon hag de houl se vije ke kom se deus un endro tambet na deus zo tradur mamez vid PVG klas ke plomb petram an uranium ban doua hag bon kal se spi oa ganze lar ed ma veka ze ban doua Zévo bin vidig et vidor vro. Hag bon, da ugen la waler ne kem am eus motin. En dun nun ket de kred ba zen trog ze tin. Hag zo mu or end up, quoi. Hag an sev e gwell a war pe sa mo de change en trog. Dan mon tom, bremañ war dach en ur politik erez. Ba fin de blav o ur votadegou. Evid ur rand vro. A grandement breiz vos cassetudes en breujou ma peu soin de husul rendro hag bon krog et un trog de vir vin un temp déjà et krog Christian Troidec de Gambali et vid divenerian breiz a pu dire ne zged or strolat gant tout de réseau sens de ziven breiz bon pet hag bon et krog Christian Troidec dans un temps trous hag de Gambali, hein, bon, m'a mordé, hein. À deux entus socialistes, avec Clève Kals de Drouz, puis dur, d'Enbe Noir, Pétareil, notre Le Drian, Bénéfine, l'Arneuse Tefé, bah, liste de Morbihan, mais ma treizaine, pas eu l'or, bon, avec Guard, Pétareil, hag, bon, sais-tu, potier socialiste, de Warren, que pétait de l'art à l'Oise. Me mestra, bon, arrez meus gwellet oa bet Manuel Valls or an tamm tro war en eus eusa, hag neus laret oa du evit gwellet stad Yezu Gwasket vel ar brezhonek, hag an sevez zant mat zo votadegou de zon, pe dior peve votadegou dis ve gret an tamm promesa war ze, kaed er mat, ze zo fen du zoar, bon promesa oa ve ankoav de dewaler, met de bon peut ve zulgwe je vais gretzer un vel zo begret vit carte er Jesu bon dermod ve promesse ou dis ag bon zo roi ben tuel vos mameuse mode peut dire vos casse d'un trou grande marger fur À Zuroir, vous tiens modèle le Brombès ou un Meuseré à peu près, hein. À vos Rignecois, de Waller, ni niveau craint, hein, ben, en quoi oser du Stu Waller. Comme ce mois d'arrivée, je race de The Linen Hintouarn, zo Tregwen, gamma Pempoul, plus dur, Linen Zeus au Nord Stade Valtré, hag dans Jérusoir, et là, qu'a de bonne. Un train irait en mon divon noir, nain. Bon, sais-tu, vraiment zolaret, guiré, velar, en moi, votade gouton, hag, verret classe qu'on tombe, on tombe, hag, vorret ka 30 millions d'euros, yo, évite, ha tiens, pen linen. Hag, bon, n'est que bran, ka 30 millions d'euros, yo, dis, hein. Ur stade, refait Hugen Dregan, renvro de Hugen Dregan. Ta mère en oise quand strolladeur parouge ou trop drôle, hag peur est n'a un ne fait bien rouot quand un SNCF, rawar l'iné nous voit. Bon, Gualdo, hag vous adresse de l'iné hintouan, puis je fais bien l'on drava, d'y juste, hein, vide or vro, adrestol, vide bro pempoul. Bon, dans mon temps, moi, ardache en heure zévenadur, Ur plar de la nuit, Jacques Zerlé, à zo hanemad, en de scrive de, au levant de ce que Wal Belzo, war strolat, scrive en aérien, vigé haune de le Parnasse breton. Ag, bon, c'est souvent quoi, d'un temps, hein, vraiment, mais, le Parnasse breton, ou abécrou, et gand Louis Tiercelin, hinsre péjouhoari, ag, on dit une bruit de tri de houlse. Bon, n'est que Gualhana Vetchin, hein, ma treize Norvège Penek, vous radkav, Ioberu. Hag, un denel, ou à la bourre à Gantan, ou à Joseph Guy Repars, ou à Nozer Zoneres de Gwen Gambin, et ce mob de Sigismond Repars. Sigismond Repars, ou un den disque bras, ou à Glader Vro, hag, bon, Scriven de Stroh, ou à Gwen Gambin, ou à Revro, hein, des Végénome sortait de Rontem Trou, Bavro, en me, le scrive, doit, war chape, le lore, war traudis. Hag, mais zé, hins, wantad, hein. Joseph Guy Repars, zo, on dîne, en eus get son air, classe, hein. Hag, bon, zo, ve, had cave, di, oberu, ne bablai, ozo. Hag, bon, rins, ni wagred, ar Parnasse breton. Hag, bon, gantud, beb sortud, de ze vro, nan. L'arvigé Parnasse breton, plus dur, ou de Huls, le Parnasse français, ou à Gantud, vel José Maria de Heredia, le comte de Lille, ag, bon, rem, ou à Ontom, horma meusmod, vide brezonneuk, ag, crou, ou à Bégante, au gazette, hein, ou à l'hermine, gant botre, ka potre douentoud, hein, ou à que plar bid, bajeuse de Huls. C'est le cas de Bid, mais non, en gazette, l'hermine, scrive trop en, tu devais l'Arthur de la Borderie, ou à, un dîne à nos labours de case, ou à Ristor Brice, au nom de Zorédien, tant à nos labours de bonne larvée, n'est que de guire toute pièce de scrive, mais déjà, bon, peu de sgrède, au labour, Mamestra, vais son sgrède, ou à Ristor Brice, même, ma bonne, tout, vel tout d'un historien, là, hein, zo trop, à zo de Hadvel, hein, bon, zézos clair. Vel Anatole Le Bras, hein, Anatole Le Bras, ou à Gand de Bazan Service. Bon, war tout de, puis, mais comme de son velard, ou à Gand de Baduot, mais plutôt de Huls, Zan Service, ou à Baduot, dire. Yeah. Mais de Gand de Bazan Service, hein, Idad, ou à Mesco, là, Nicolas, le bras, hein, ou à Mesco, la nuit à Krog, de Zer, il trouve, ou à Dan Vébraise. Bonne, fanchenu, là, zo, de Spo de Splouard, hein, ag, Charles Le Goffic, de Zlanuyen. À la gazette, en zo, ou à Hanve de l'Hermine, ag, Velmeslar, ad Vigetro, Kaitoud, Vigetro, une Galle, mais, Memestras, au Trou, une Braison, donc, Vel, Oberu, Tanguy Malmanche, hein, ne sguet pejouroari, à Kalsdroel, Jan Berk alors ne scrive bars, hein, Narcisse Kélien, bon, sais-tu, bon, tout n'en dut ce, ou à divénérien, Ze vena d'urbreiz, oa diz hent vel oan yura war da chen or politiker ez hag emenoz yu hendel, met me mestra oan tout de o tiven breiz hag e ze vena d'uram. Bon, met ze oa rog mil nou hantri, peut-yur, ji oaz ba mil nou hantri, oa be kondan oan d'ar brezon hag de vervel gant gan Emil Comb, hein. Meus be Comb ze desan deja, hein. Hez oa... personne pure de Jobogel a rewahiz mevel un diaoul. Zemeus zer jonj pu dur pe oan bian pu dur ogel oa personne ba pure de tro blavez ou rentorkan hag vich penek en oa komzetin de Emil Comb an oa lartin hez oa mevel un diaoul hag bon ze vidan bugel ze mivel eze vel un droit spontus hag bon, c'est-tu un zévi de lever jonge à l'ran et un lever bouez, hein. Lever zo bescrive gant jacques à herlé, a gimban de dégant, un imban à dur yon l'armatan. Musquelet n'en roise, mais jonge on dort. Bon, comme ce meusard, penadel, galag, mais comme ce de ce joblervian, zo aide dans l'angle de ce que gual belzo, belle, scrivanier, hag ur breizad ma mazo unan, mazo bel onan. Hag bon kalz o draoù neus gred, hein. Hag bon nang ur had ur hadlard pez meus lar ad bon vai. Med me meus tra bon jonj al ran pez neus gred job ler vian vo rad kavet gant tudel on de beneket hag vo moyen do von war rog war dachen ar brezon neuk banilis. Pez vefe bel on dravan me meus tra ka vec e klet kaz a brezon de kin ba nilis, a zezo un tom un dra skrijus gavstin, vefe bema me mestra hadlans an trau, lakad, kan, pu dur un dud war ma de hantiko ou brezon le vras, a vel an fe lakad e kantiko ou galak, hag neus ket hag in war an mat, hantiko ou brezon dek. Bon, vichon montant war dach en zevenadur, kreizan zond bak avan, neus li de diugen la, hag kreizan zond bak avan, neus der, zo der an labourat, war trau, trau fentus on tam, hein, war zond, hag zezo dravat. Bon, kom zo mwadar neus ke gwal belzo, deus Guy Etienne, ur medesin a zo et de nanang, hag oa brezan le grandpart, hag krog oa d'or, enfin, aie tos de aie oa tos de chui ur geriadio oa reve disineres. Me zang zo no lever a zo bet im banned, hein, a ze zo in galag zoz ne gabrezon neuk. Hag im banned de gant preda, hag an im banner neus lard oa hond de chui, pudion neus dant vewar de spes neus leus ket Guy Etienne. A gansé ma or diden et gant un trouz gant un medicinaire yeah. Parce que me mont bars mais yo roar manster doar hein. Mais de bon voilà red bob sort trouve ged a brezon neuk waran ket hag moi comme ze tard de lever George Cadius au bescrive de Neveso tripeber miso ou abe dim bandet a wan jonge de gomz d'art de se mais de jonge aran me zan quat hag diwar ben un daran predou tre un tuklei hag ur brezant hag un tuklei hag ur vro benefin pez ve goul ad evit ur vro hag lever ze e hanve de la gauche française et la revendication bretonne a bon diskera pez sa mot benefin te derma de Jacobine et de vous traire war re nalin ke Jacobine et quoi. Jean Jalrand mani jebe gred or studi war un tu dero vi jebe mamez mot evel jus quoi. Bon Georges Cadiou me zang d'or hond ba war avota dego i ve ya de ce mesclave quoi. Bon c'est tu même gred on tombe trop à pessonner ve bavro à la ramdar tien norvégien chilo et un der kabé.